Radio Bulle donne la parole à la jeunesse. La quotidienne. La quotidienne. Une émission produite par la rédaction de Radio Bulle. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Bulle. Je suis très heureuse de vous retrouver dans votre quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entreprise King Cellerie. En effet, il y a quelques jours, Patrick Planès a rencontré Gérald Kong, qui est cellier. On écoutera leur entretien tout à l'heure. Mais d'abord, nous sommes avec Éric Derodon de l'agence intérim Vitalis Médical. Bonjour Éric Derodon et bonjour Patrick Planès. Eh bien, bonjour à tous. Et bonjour Eric. Bonjour Eric. À tous. Alors aujourd'hui, on va parler quand même d'une aventure assez, assez rare quand même, parce que la création d'une entreprise est déjà une aventure. Et lorsqu'il s'agit d'une franchise, c'est aussi une aventure encore un peu plus compliquée peut-être. Alors c'est une compliquée, je dirais. Oui, comme toute, quand on n'a jamais fait on n'a jamais monté quelque chose, j'étais toujours salarié. C'est quand même pas évident, mais ceci dit, il y a un soutien quand même avec la franchise, c'est pour ça que j'ai adhéré à ça. Ouais. Il y a un soutien avec la franchise que l'on n'a pas quand on s'en va, quand on se lance tout seul. Alors c'est aussi peut-être la spécificité de ce type de franchise. Monter une telle entreprise tout seul, bon, ça a ses avantages, ses inconvénients, mais là, effectivement, du coup, il y a un soutien, mais il y a aussi un coût. Alors il y a un coût, oui, bien sûr, il y a une redevance initiale qu'il faut apporter à la franchise, et après une redevance annuelle. Ouais. Donc, Vitalis Médical. Donc, Vitalis Médical, il s'agit en fait d'une agence d'intérim, mais spécialisée dans le monde médical, voilà. Tout simplement. C'est une agence d'intérim, donc médical, paramédical, social. Nos clients sont tout ce qui est EHPAD, maisons de retraite, les cliniques, les hôpitaux, qui ont potentiellement un besoin d'une aide-soignante, d'une infirmière. Et notre boulot, c'est d'avoir un pool, un vivier, je dirais, d'infirmières conséquentes et d'aide-soignantes, et puis apporter une demande ponctuelle à nos clients. Et donc, il est spécialisé donc, dans le monde médical, mais également local, dans la mesure où vous travaillez essentiellement sur le territoire du Lot-et-Garonne. Alors, la franchise m'a donné trois départements, le Lot-et-Garonne, le 82, le Tarn-et-Garonne et le 46. Ah oui, ça va bien au-delà donc. Voilà, mais pour commencer, j'étais dans l'industrie pharmaceutique, donc je commence local sur le Lot-et-Garonne, et puis après, quand on arrivera à faire tourner les assiettes sur le Lot-et-Garonne, je commencerai sur le 82 et ainsi de suite. Ouais, parce que l'aventure, en fait, vient à peine de commencer. Ah ben l'aventure, elle est toute jeune, quoi, elle a un mois. Eh oui, un mois et c'est fabuleux. Alors, un mois pour l'ouverture de l'agence, mais quand même, je pense qu'à partir du début du projet, ça a dû prendre quand même un peu plus de temps, non ? Ah ben le début du projet, j'ai rencontré la première fois Damien Tardivon, qui est le directeur du développement. C'était début juillet, donc on s'est vu deux fois à Bordeaux. Et puis après, il y a les vacances qui sont passées par là, et on s'est revus en septembre. Là, il a fallu que je voie les trois dirigeants du groupe avec qui on a discuté pendant deux heures, et puis après on a commencé à monter notre projet, j'ai commencé à monter le projet, et puis au mois d'octobre j'ai présenté le projet aux trois dirigeants et à tous les gens du développement, et pendant deux heures aussi, et puis c'est à partir de là que la franchise m'a donné l'aval pour voir. Oui, parce qu'on n'obtient pas une franchise comme ça. Il ne suffit pas de claquer les doigts. Non, ça ne suffit pas. Il faut de faire un dossier, projet, alors financier, je suppose, déjà. Ben oui, un apport financier d'abord. Hein, ouais. Et puis, comme vous dites, un travail en amont pour voir. Ça, c'est la politique de la franchise qui veut avoir des gens qui s'investissent et qui n'arrivent pas rien qu'avec de l'argent en disant « je veux monter ça parce que j'ai envie de le faire et parce que j'ai les moyens ». Donc ils veulent quand même qu'il y ait derrière une envie et une envie. Ouais, la motivation, elle doit être présente, et il faut pratiquement la prouver. Eh bien oui, il faut la prouver lors de cette présentation où on nous a demandé de faire une trentaine de slides. Alors, je suppose que votre épouse, qui est également une franchisée, vous a peut-être aidé, non, sur cet aspect. Ben oui, ouais, elle m'a aidé un peu sur tout, toujours son soutien, oui. Ouais. Elle, par contre, elle a c'est une aventure qui a déjà démarré il y a quelques années. Ouais, il y a 7 ans de ça, elle tient la boutique Sud Express, boulevard Carnot. Très bien. Alors, on va parler de Vitalis d'abord. Globalement, Vitalis Paris, c'est une émanation déjà du groupe Alphir. Voilà, donc c'est... Oui, allez-y. Oui, et donc je crois qu'il y a plusieurs domaines d'activité. Au départ, c'était absolument pas lié au médical. C'était une agence de... Tout type de métier. Tout à fait. C'est vrai que Alphir est un groupe où il y a plusieurs entités. Donc, Aquila, disons qu'il y a trois entités, des gens qui ont 100 diplômes jusqu'au bac, et après deux bacs jusqu'à bac plus 10, etc., ouais, cadre sup. Études supérieures. Supérieures. Et puis, en 2009, le groupe a vu trois agences à Paris. Et ils ont dit, des agences d'intérêt médical, ça serait bien pour étoffer notre éventail. Ils ont racheté ces trois agences à Paris, et puis ils ont bossé dessus, ils ont regardé comment ça se faisait, comment se faisait l'intérim médical pendant 2-3 ans. Et puis au bout de 2-3 ans, ils ont dit, c'est bon, maintenant on sait faire. On peut lancer la franchise. Donc depuis 2012 maintenant, nous sommes 12 franchisés, oui. Sur toute la France. Oui, alors globalement, j'ai la carte sous les yeux. Donc effectivement, vous en avez aussi bien au nord qu'au sud, à l'est comme à l'ouest. Il y a juste peut-être un point blanc là, c'est carrément au milieu de la salle. Moi, je ne ferai pas des commentaires sur ça. Probablement que finalement, il y a moins de demandes dans le centre de la France. Je pense, oui. Ouais. Non, mais le gros, c'est vrai que la région parisienne, la région lyonnaise, et puis la Bretagne, et le grand sud-ouest qui est en train de se développer. De se développer, oui. Alors, on va parler plus particulièrement de vous. Vous êtes à Genève. Ah oui. De naissance. De naissance. Je suis né juste à côté, à la clinique Roch. Ouais. Ouais. Et parlez-nous un peu de votre parcours. Alors mon parcours, j'ai travaillé pendant 28 ans dans l'industrie pharmaceutique. Donc pendant 18 ans, je voyais les médecins généralistes. Vous n'étiez pas novice quand même. Donc, J'ai gardé un peu le milieu médical par rapport, parce que c'est un milieu que j'aime bien. Puis et le portefeuille aussi, enfin du moins le réseau. Carnet d'adresse. Aussi un peu pour ça, oui. Ouais, bien ça sûr. Je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ça. C'est peut-être aussi un des points qui a obtenu la satisfaction de Vitalis France lorsque vous avez déposé le projet. Ils recherchaient ce type de profil de personnes, voilà, ouais. Des personnes qui étaient dans le médical, qui avaient un réseau. Alors, j'ai pas un réseau, mais bon. Ouais. J'ai quelques adresses et des gens, des médecins qui sont derrière moi et qui m'aident, et ça c'est super. Et alors pourquoi vous avez franchi le cap ça... Des raisons personnelles, l'industrie pharmaceutique, je pense que c'est derrière. Ouais. Malheureusement, les délégués médicaux, il y en a de moins en moins, on le voit. On est un peu l'industrie pharmaceutique est toujours la bête noire de nos dirigeants nationaux. Hein, parce que c'est nous qui gagnons de l'argent, c'est l'industrie qui gagne de l'argent. Donc je pense que c'est le début de la fin. Et puis, au bout d'un certain moment, j'avais fait un peu le tour. Et j'ai voulu me lancer. Très bien. Et donc, vous avez choisi de rester sur Agen. Alors je suppose que le fait que votre épouse ait un magasin ici, ça vous a permis de... Parce que ça aurait été peut-être plus simple d'aller au bord de la mer. Je ne sais pas. Non, ce qui était plus simple, alors bien sûr, c'est que ma vie est ici, d'une part. Et puis, mon réseau, mes copains, mes amis, tout est ici. Et puis, j'ai un soutien familial, moral. Donc, voilà. Donc, ouais. Je ne voyais pas me lancer dans une entreprise comme ça, hors Agen, hors Lot-et-Garonne, on va dire. Pourtant, c'est pas évident, je suppose, sur la Lot-et-Garonne. Ah oui, c'est pas évident. C'est pour ça que là, je fais un appel que les infirmières et les aides-soignantes viennent s'inscrire chez nous, parce que c'est vrai qu'on... On va parler plus précisément de ça, parce que effectivement, on peut dire quand même que malgré tout, il y a des offres. Il y a des offres d'emploi, et malheureusement, on ne trouve personne. Oui, il y a vraiment depuis un mois que je suis installé, on a beaucoup de... un certain nombre, je veux dire, d'établissements qui sont venus vers moi. Je suis allé aussi vers eux, bien sûr. Mais leur écoute est toujours positive et ils ont toujours de la demande. C'est vrai qu'il y a de la demande au niveau des clients, des EHPAD, des maisons de retraite, des cliniques qui ont besoin de personnel. Parce que j'avais un chiffre en tête quand j'ai présenté mon dossier. Il faut savoir que les arrêts de maladie, la moyenne des arrêts de maladie en France, tout secteur confondu, est de 35 jours par an. Ouais. Dans le milieu médical et notamment dans les EHPAD, les maisons de retraite, tout ce qui est médical, on va dire, on est à 70 jours par an. Ouais. Et ça, c'est un créneau parce que l'intérim permet une flexibilité au niveau de l'emploi, qui peut être finalement une réponse à des tas de gens qui ne veulent peut-être pas se lancer sur un CDI. Mais il y a une demande toujours. Vraiment, je pense qu'il y en a qui sont, on va dire, à plein temps dans l'intérim médical. Il y a des infirmières qui sont venues nous voir en nous disant « Moi, je travaille, je préfère, parce que je gère mon temps comme je veux. » Même d'autres infirmières qui se sont mis volontairement à 80% pour dire il me reste les 20% que je vais faire. J'étais à 100%, maintenant je vais mettre à 80% dans ma société et je vais faire un peu d'intérim. Alors pourquoi ça n'a pas de plus de, enfin ça a pas pris une ampleur qu'on pouvait espérer, par exemple dans certains pays c'est la majorité des gens qui choisissent plutôt ce type de contrat. Après, je pense que c'est tout simplement la mentalité. C'est vrai qu'en France, je pense que tout le monde le sait, c'est le CDI qui est référencé. Je veux dire, en France, il faut avoir un CDI pour que tout en découle, pour qu'on puisse avoir des aides, avoir un crédit, etc., pour construire une vie. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans certains autres pays. Et c'est vrai qu'en France, donc... on ne va pas dire qu'on est les vilains petits canards, l'intérim, mais on préfère un CDI. Alors, quels sont les avantages, on peut en parler, quels sont les avantages finalement de travailler chez vous plutôt qu'être employé directement par un employeur à un CDI? Il y a l'aspect financier. Ouais. Parce que je pense que... C'est mieux payé. Ouais, il y a les indemnités de fin de contrat, et puis ils gèrent leur temps comme ils veulent. C'est-à-dire que... Ils sont quand même obligés de... Ils sont quand même obligés de travailler, on est bien d'accord. Mais de travailler en fonction, je dirais, des besoins de l'entreprise. Oui, mais ils arrivent à gérer leur temps. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'on a une référence. C'est-à-dire que tous les mois, ils ont un planning de 20 jours, 28, 31, ça dépend les mois. Et puis, ils nous disent, moi je veux travailler le 1er, le 3, le 4, le 7, le 17... Le 22, voilà. Ils choisissent leur... Alors, s'ils veulent travailler, ils peuvent travailler tout le mois. Et alors, tout à l'heure, vous parliez des arrêts maladie. Alors, c'est aussi là l'intérêt de l'intérim, c'est que c'est une réponse à une absence qui n'était pas prévue, qui est brutale, et auquel vous pouvez répondre en proposant quelqu'un sur 5 jours, 10 jours, peut-être même plus. Voilà. Alors, ce qui se fait dans le médical, au niveau des durées de mission, c'est pas pareil que dans le tertiaire et dans les autres agences d'intérim généralistes, on va dire. C'est que nous, ce sont des courtes durées. Un jour, deux jours, trois jours. Donc, on a besoin d'une réactivité énorme. C'est-à-dire que moi, je sais qu'on peut m'appeler la veille pour le lendemain en me disant « Monsieur Doredon, il me faudrait une personne pour 10 heures. » On m'a appelé pas plus tard que le vendredi dernier pour un week-end. Pour un week-end, une infirmière, deux fois 10 heures, samedi et dimanche. Bon, là, malheureusement, j'ai pas pu répondre à la demande. J'espère pour ma cliente que d'autres personnes ont répondu. je ne sais pas. Mais il faut avoir une réponse, il faut être très très très réactif, ce qui n'est pas le cas des généralistes dans l'intérim généraliste, c'est plutôt sur des durées un peu plus longues, une semaine, 15 jours, des fois un mois, deux mois. Vous, c'est le cas? Non, nous c'est très très court. Très très court. Ouais. Un jour, deux jours, trois jours, on va aller jusqu'à quatre jours, mais bon. Et vous êtes du coup finalement pratiquement l'unique réponse, c'est pas Pôle emploi qui peut répondre à ce genre de demande. Alors, s'ils n'ont pas la réactivité, non. Voilà. Et alors de l'autre côté, donc ça c'est, je dirais, votre... quel était le terme que vous aviez utilisé? Ce n'était pas votre portefeuille, c'était... Mon vivier. Votre vivier, voilà. Votre vivier d'emploi. Et puis de l'autre côté, vous avez des clients. Alors les clients, c'est aussi bien des hôpitaux, des cliniques. Voilà. Vous avez parlé des EHPAD aussi. Des EHPAD, oui. Beaucoup avec les EHPAD. Je suppose que la demande est forte. Oui, du côté beaucoup sur les EHPAD, les maisons de retraite. Après... Les cliniques et les hôpitaux ont souvent leur petit réseau, etc. Donc, ils travaillent en interne. Ils ont un service RH qui permet de faire ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas recours à l'intérim, loin de là. Ils ont toujours besoin. Mais ils essaient de faire ça en interne, ce qui n'est pas le cas des petites structures comme les EHPAD, les maisons de retraite, où il y a un directeur, il y a une secrétaire, et puis c'est eux qui gèrent tout. Pas les soins, on va dire, mais au niveau de l'administratif, etc., c'est eux qui gèrent tout. Donc c'est vrai que quand j'appelle pour avoir des rendez-vous avec des directeurs d'EHPAD ou des directrices d'EHPAD, c'est avec le directeur que je ne sais pas, avec la responsable RH, c'est eux qui gèrent ça. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, vous pouvez déjà proposer travail sur pas mal de postes. Oui. Là, on commence. Alors, j'en ai pas une cinquantaine, mais bon, ça commence à venir. Donc, si vous travaillez dans le milieu médical, une seule adresse, donc Vitalis. Voilà, nous sommes basés à la zone de Trinque, à côté de la Trion. Voilà, 1 rue François Neveu, au premier étage d'un bâtiment. Donc là, vous avez vos bureaux. Voilà, bureau premier étage. Et sinon, on peut vous contacter, vous avez un site? Alors nous avons un site à notre nom, Vitalis Médical Agen, qui est accessible. Et puis bien sûr, Fabien Girardi, qui est mon consultant en recrutement, qui est bien sûr, comme je vous le disais, absent aujourd'hui, s'occupe vraiment de tout ce qui est réseaux sociaux, moi aussi. Mais bon, on va dire que comme il a 24 ans, même si je suis sur les réseaux sociaux à mon âge... Lui est plus à même de le faire, mais on le fait tous les deux. Ok, et puis sinon, y a un numéro de téléphone, donc c'est le 05 53 67 90 86. Voilà. Et bien que Fabien soit en formation donc à Paris à l'heure actuelle, s'il y a quelqu'un qui cherche du travail dans le milieu médical, il peut vous appeler dès à présent. J'ai fait un renvoi d'appel sur mon portable, donc il y aura toujours quelqu'un qui répondra. C'est vrai que je suis un peu moins là pendant sa formation, un peu moins sur le terrain à solliciter nos clients. Je suis un peu plus à l'agence, mais bon, j'essaie de répondre à tout, et je suis d'une disponibilité extrême. Je voulais dire aussi une chose qui est importante, c'est que nous avons une astreinte, donc ça veut dire que nos clients peuvent nous appeler quoi qu'ils fassent, de 7h à 22h. Très bien, Éric de Redon, merci beaucoup de nous avoir présenté Vitalis Médical, donc Agen. Agen, voilà, un mois d'existence. Et à très bientôt, on en reparlera pour savoir comment ça se passe. Ah mais vous êtes toujours les bienvenus et je viendrai avec plaisir. Je reviendrai dans votre station, je remercie Radio Bulle, à vous tous de votre accueil. Merci bien. Eh bien jeudi, je te rends la parole. Oui, tout à fait, on va même marquer une petite pause médicale. Musicale. Tout à fait. On va écouter Vance Joy avec le titre Riptide et on revient juste après. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations off.